Troisième enregistrement en compagnie de Nathalie Topoluc. Alors ici, David Lévesque au micro, qui me fait plaisir de te saluer de nouveau, Nathalie. Ça va bien? Bonjour, oui, bonjour David. Ça va bien, toi? Oui, très bien. Donc, excellent. Et tu as une nouvelle à nous faire en débutant cet enregistrement, c'est-à-dire que tu vas faire de la consultation. Effectivement, écoute, depuis nos enregistrements, beaucoup de personnes tentent de communiquer avec moi pour leurs problèmes personnels, leurs crises, leurs problèmes, ou voir autrement de ce que les gens peuvent voir. Parce qu'habituellement, un problème, les gens, la façon que ça se passe, c'est que de la façon que ça passe dans la tête, ça va toujours focaliser, toujours sur le même bord du 25 cents, tu sais. En pouvant échanger sur un problème ou une crise avec une personne qui est à l'écoute, bon, j'ai ça. Dans la programmation, je te dirais astrologique dont je suis venue avec, cette option-là est très bien, comment je dirais, elle est très bien marquée dans ma programmation. Donc, alors, beaucoup de personnes tentent de me rejoindre personnellement pour discuter de leurs problèmes et tout ça. Évidemment, pour une question d'échange, comme on a discuté tantôt, il va y avoir une façon de le faire, puis qui va être indiquée un petit peu plus tard la façon de procéder pour pouvoir communiquer avec moi. Et je suis très ouverte à répondre aux gens afin qu'ils puissent eux-mêmes trouver leur réponse, finalement. Oui, exactement. Parce que, donc, oui. Oui. Oui, parce que avoir une écoute, être reçu, quelque chose qui n'est pas évident au niveau des gens. On va parler avec du monde, là, puis le monde, là, « Ah, ben oui, mais moi, j'ai vécu ça de même, puis j'ai fait de même. » Mais tu sais, quand c'est ramassé dans le jeu, on ne peut pas s'identifier à rien. Donc, disons, avec l'expérience que j'ai eue face avec Daniel Ménard et, en fait, beaucoup d'expérience, beaucoup de contenance, beaucoup de douleur, de souffrance, on va mettre la liste d'épicerie là-dessus. Il y a une capacité d'écoute de ma part qui est... C'est ce qui revient tout le temps au niveau des gens, des commentaires que j'ai au niveau des personnes qui communiquent avec moi. Donc, c'est avec toi, David, que... C'est un honneur de pouvoir annoncer ce projet-là. Ben oui, en primeur, donc pour les gens que ça intéresse, vous pouvez retrouver en bas de l'enregistrement que vous écoutez les coordonnées au Facebook de Nathalie et ainsi le montant de la tarification de l'heure pour ces consultations. Effectivement. Une question d'échange, étant donné que ça va toujours demeurer virtuel, peut-être qu'on... Si c'est local, on peut se rencontrer. Tout dépend de l'agenda des gens et tout ça. Mais il y a une disponibilité puis une solution à ce qu'on puisse communiquer ensemble. Exactement. Sinon, pour ce qui est des consultations, toi, dans le cadre de ces dernières, est-ce que tu procèdes à la canalisation de l'énergie de l'esprit? Écoute, ça va devenir... C'est complètement individuel. La chimie qui se passe entre les deux, la reconnaissance vibratoire, puis tout ça, il n'y a aucune condition, là. Le monde est en crise, ça hurle, OK, go, on est là. Et effectivement, c'est toujours une question de contact. Les gens ont le contact, mais souvent, ils ont beaucoup d'interférences au niveau de la pensée. Ils ont une mémoire, ils ont des mémoires émotionnelles de relier à chaque événement. Ils vont avoir une odeur, c'est relié. N'importe quoi qui déclenche des crises, tu sais, une personne, c'est un événement, donc c'est de voir plus large, au second degré, qu'est-ce qui se passe. On les a, les réponses. Tout le monde les a, les réponses. C'est juste que ça jamme à quelque part. Exactement, parce que c'est sûr qu'il peut y avoir l'astral qui fait opposition, qui crée des résistances. Oui, mais les résistances, ils ont leur raison d'être, ils ont leur fonction d'être. Les gens veulent pas souffrir, ils veulent pas, je veux pas avoir mal, je veux pas aller là-dedans, pis tout ça. c'est l'occasion d'aller voir qu'est-ce qui se passe, c'est l'occasion à ouvrir le couvercle du chaudron, là. Complètement, là. Tu sais, une mémoire, ça se brûle pas. Mais c'est l'émotion de la mémoire qui se rajoute. La mémoire va toujours rester là. On est en crise, le trois quarts du temps, c'est à cause des mémoires. C'est soit des mémoires où on n'a pas de solution, mais si on n'a pas de solution, c'est à cause des mémoires. Trois quarts du temps. Ben, il y a la capacité les gens... de. Oui, c'est ça. Ouais, la capacité de faire face aux mémoires sans être happé par ces dernières puis en souffrir, là. Oui, mais c'est le but. T'sais, tu sais même pas, là. Ça peut être la sphère. C'est le dôme en arrière de la sphère qui utilise ça. Mm-hmm. C'est pas quand ça va bien. Quand ça va bien, on parle que trois quarts du temps dans le jeu. J'ai bien fait ça. Mais quand on est en merde, qu'est-ce qui se passe? Moi, là, on va blâmer les forces. On va blâmer ici. On va blâmer quelqu'un. On va blâmer l'événement. T'sais, on sort toujours l'événement de nous. Par en dedans qu'il faut le regarder. C'est toujours par en dedans qu'il faut regarder les choses. Et qu'est-ce qui est collé dessus? Ça soulève quoi? Mm-hmm. Puis plus ça creuse, plus ça fait mal, on est à la bonne place. Exactement. C'est que les gens ne veulent pas souffrir, mais c'est dans la souffrance que la contenance se construit. T'sais? Donc, est-ce que pour toi, la souffrance est nécessaire à l'évolution? Absolument. C'est pas qu'on est meso, là, mais c'est le même, ça marche. Quand ça va bien, tu te poses des questions? Non, c'est sûr. Juste de même, là. Puis quand ça va bien, tu sais, il faut, le mot il faut pas, là, mais c'est que quand ça va bien, il peut y avoir des pauses, des parenthèses à un moment donné, mais il y a toujours une crise qui va survenir, où on a des questionnements. C'est le fun des groupes Internet et tout ça, mais c'est tellement large que souvent les gens ne peuvent pas s'identifier leurs problèmes personnels. OK, t'as une photo, t'as une tapisserie, là, puis ça, c'est les groupes, là, OK? Mm-hmm. On a le gros poster, là, mais moi, là, j'ai un problème de nature X, là. Je vois un petit pot dans le poster, là, mais c'est pas assez, là, c'est pas assez. J'aimerais ça m'en parler, mais y a-t-il quelqu'un qui est capable de m'écouter, qu'on puisse saisir puis aller voir qu'est-ce qui se passe là? C'est rare. C'est très rare. Il y en avait un qui faisait ça, c'était Ménard. Je ne prends aucune place. C'est juste Nathalie qui est là, là. Elle a une capacité d'écoute. J'ai une capacité d'écoute. Je vais dire quelque chose, David, là. Oui. Mais Daniel, là, j'avais 18 ans, je l'ai rencontré, là. C'était la première personne qui m'a écoutée dans la vie. J'ai un manque horrible d'écoute. Les parents, les amis, tout ça, mais surtout les parents, n'étaient pas en capacité d'écouter. Mais la première personne qui m'a écoutée, qui m'a reçue, s'appelle Daniel Ménard. La différence que ça fait d'être reçu, ça change la donne en tabarnouche et ça tasse beaucoup, beaucoup d'interférences dans la tête. Ça défait. Ça met en relief un paquet de merde qui se passe dans la tête. Surtout quand tu penses que c'est toi qui penses, là, tu sais. On veut tout, on le sait tout que c'est pas nous autres qui pensent, mais dans les crises, c'est le jeu qui souffre en tabarnouche. Oui, bien, juste pour en revenir sur l'écoute, moi, je fais la distinction entre deux types d'écoute, c'est-à-dire l'écoute psychologique, qui est au niveau de la forme, et l'écoute psychique, qui est au niveau de la captation, de la vibration derrière la forme lorsque la personne parle, ce qui n'est pas pareil. Absolument, absolument. Mais le problème... Il y a deux... Oui. Mais derrière les mots, il y a toujours une vibration. C'est de savoir lire l'événement, savoir lire la vibration. C'est normal qu'au début, on ramasse ça psychologique, là. C'est le rationnel qui ramasse toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, plus l'homme évolue, plus il apprend à lire la vibration qui se passe. Sans que le rationnel le ramasse puis qu'il met ça dans le psychologique, là. Comprends-tu? Mais il y a une vibration, puis quand la vibration, elle est bien lue, elle est bien saisie, ça parle. ça parle. Et les gens ont leur réponse, le trois quarts du temps. Mais c'est d'amener les gens avec un questionnement pour qu'eux aient leur réponse. Il n'y a pas de recette là-dedans. Là. Ils ont leur réponse. Parce que si tu viens qu'à donner des réponses, ça vient une autre affaire. Regarde, là, il faut que tu fasses ça. Là. Ça marche pas de même. Là. Pas pantoute. Là. Ça, c'est du psychologique. Là. Mais les gens ont leur réponse. Comme je vais toujours le répéter. Puis je parle autant pour toi, pour moi, que les autres. Là. Ben oui. On les a nos réponses. Mais c'est juste une question d'écoute. Puis plus la personne parle, plus elle va apprendre d'elle-même c'est quoi. Ah, ça, c'est une différence. Ça, c'est savoir quelque chose. Exactement. Non, Et pas connaître quelque chose. ouais, c'est ça, parce que c'est vibratoire au lieu du niveau psychologique. Et souvent, la Oui. problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui font de la consultation de manière traditionnelle, que ce soit psychologue, travailleur social, thérapeute, c'est souvent au niveau psychologique avec des formes, des cadres conceptuels, des approches, la psychanalyse, l'humanisme existentiel. Mais ce qui arrive, c'est que Absolument. ces approches-là, c'est au niveau de la forme. Donc, ils ne vont pas, au niveau de la consultation, agir de manière Non. vibratoire pour amener un changement à ce niveau-là. Mais c'est parfait parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces niveaux-là. Ça peut être peut-être une porte d'entrée pour aller vers d'autres choses. Si ils ont besoin là de nettoyer le psychologique, c'est correct, c'est parfait. Mais au point où on est dans tous les groupes dans lesquels on s'adresse, on est rendu ailleurs. C'est ailleurs, c'est vibratoire. Dis que ça te parle, bon, ça me dit que devant un psychologue, ça va mal. Fait Oui, bien, surtout que la que science officielle ne reconnaît pas l'existence des entités dans l'invisible parce qu'eux autres sont non. matérialistes. Donc, à ce moment-là, tout ce qui touche à l'occulte, c'est vu comme étant du délire, des hallucinations, la psychose. Oui, ben en fait, c'est reçu comme ça présentement. Ça va évoluer à un moment donné, mais ça, c'est pas dans un futur rapproché. Et c'est correct. Tout est parfait, là. La vie, là, elle est parfaite comme elle est. C'est juste dans les réflexions que la marde pogne. That's it, là. Pourquoi je vis ci? Pourquoi je vis ça, là? T'sais? Puis là, ben là, je vais aller voir un psychologue. Lui, il va me dire quoi faire. T'sais? Les prises en charge que les gens veulent. Dis-moi quoi faire. Je vais toujours me souvenir une conférence de Bernard qui parlait. C'est tellement drôle parce que j'en parlais aujourd'hui. Bernard il disait, tu sais, la caméra, là, tu sais, quand on prend une vidéo avec la caméra, on prend des vidéos des autres, on est bien content, mais à un moment donné, il faut que la caméra se retourne de bord. Comprends-tu? Ben oui, à un Fait moment que donné, il faut il se faut. regarder. Ben, de toute façon, c'est pas qu'il faut se regarder. Les événements, là, sont tellement difficiles. Présentement, là, en tout cas, il y a beaucoup de monde qui font. Tout le monde va bien en apparence, là, mais en dessous de la crème, du crémage, du gâteau, là, ça brasse en tas. Puis, mon Dieu, j'oublie qu'est-ce que je voulais dire. Mais c'est de retourner la caméra, puis les événements qui vont. C'est tellement douloureux, c'est que ça ramène à l'individu. On n'aura plus le choix. Parce qu'il n'y aura plus de référence au niveau du collectif. Il va falloir avoir nos réponses et chaque être est individuel. Une réponse pour un peut ne pas faire pour l'autre. Comprends-tu? Il faut parler nos propres réponses. C'est d'une importance capitale pour aujourd'hui et qu'est-ce qui s'en vient. Exactement, et pour justement parler les réponses, peux-tu nous présenter les différents principes qui nous permettent de parler sur le contact? En fait, c'est que les gens réfléchissent trop. OK? Je te demande, toi, de parler sur le contact, ça te dit quoi? On va le faire en direct. Oui, certainement. Donc, OK? oui. Oui. Mais en fait, c'est que parler sur le contact, les gens veulent. OK? Il y a un désir de parler sur le contact. D'un, là, ça marche pas mal. À un moment donné, c'est que la tête va, à force de parler, puis on apprend. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui est mémorielle. Puis à un moment donné, là-dedans, wow, il y a une couple de réponses qui se passent. Là, parce qu'il y a une charge énergétique lorsque le contact passe par nous autres. Tu sais, c'est comme, mais c'est un vide, aucune référence émotionnelle nulle part. C'est très présent, puis trois quarts du temps, on s'en souvient plus. Qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est comme ça que ça fonctionne. Aucune référence au futur, présent, passé, ça fait juste parler et on apprend dans ça. Puis là, quand ça parle comme ça, il y a un changement vibratoire qui se passe en parlant. Encore là, il faut être reçu. Ouais, ben c'est là que On j'allais parle en de venir. Il faut que la personne soit capable de capter la vibration au-delà des mots qui sont utilisés, là. Oui, mais c'est encore là, au-delà des mots, la personne, des fois, ça peut être une. Tu sais, je sais pas, c'est arrivé, tu parles à un chum qui est pas pantoute là-dedans, puis tu as trouvé ta réponse. Lui, il va te poser une question, ça va passer par lui, puis toi, tu vas y répondre quelque chose que tu ne savais même pas. Tu sais, mais encore là, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien d'établi. Ça se passe comme ça doit se passer. That's it. Il n'y a pas de condition, là. OK, on va parler vibratoire. Non, mais il y a des choses comme par exemple parler d'une manière impersonnelle au lieu de parler en je, me, moi. Absolument. Déjà, c'est un bon départ. C'est un excellent départ. Juste de sortir du jeu permet il y a une mécanique à l'intérieur de nous on tente de sortir du jeu. On passe au deuxième étage. Ça fait bizarre au début. Parce mémoriellement, on n'a jamais parlé comme ça. Tu comprends-tu? Oui. Puis, à un moment donné, bon, ah, OK, ben c'est intéressant. Ah, il y en a un je l'avais pas vu de même, puis tout ça. C'est que ça sort de la bouteille. Tu sais, moi, l'expression que j'utilise souvent, quand tu es dans la bouteille, tu vois pas l'étiquette. Mais en sortant du jeu, tu vois l'étiquette. Tu sors de la bouteille. Ah, il y en a un je l'avais pas vu de même, cette affaire-là. Puis surtout quand tu es en crise, comme j'expliquais tantôt, la crise focalise toujours sur le même problème. Tu sais, c'est comme quand tu as un problème informatique, là, tu reviens toujours sur le même point, puis là, tu cries, on revient toujours sur les mêmes, sur le même crochet, là. Je sais pas, moi, c'est eu des crises informatiques, des problèmes informatiques, là, on essaie de réparer, mais on revient toujours à la même affaire. Dans la tête, ça se passe pareil, là. On essaie de trouver une réponse, mais on revient toujours sur la. Ça passe toujours par la couche de mémoire, là, puis on essaie de trouver une réponse, la crise revient. OK, on revient sur le même problème. Puis si ça marche pas, ben la tâche mémorielle, elle a grandi, là, puis finalement, on n'a rien trouvé. C'est juste chialer, puis se plaindre, puis tout ça, là, tu sais. Oui, Surtout bien, à se ce plaindre et moment-là, chialer. c'est ça. À ce moment-là, il y a un Abaisse sa enlisement dans vibration. le. C'est ça, il y a un enlisement dans le problème, puis la personne est dans une mécanique réflexive, puis elle tourne en rond, là. Mais ça tourne en rond, c'est circulaire. Un problème, c'est circulaire. Lorsque c'est vibratoire, ça descend comme un tire-bouchon, là, comme un. Une C'est, spirale. voyons, une spirale. C'est vertical. Un problème, c'est un rond horizontal qui tourne en rond, là, tu sais. Ça revient toujours à la même affaire, puis c'est comme un disque qui saute, là, puis ça revient à la mémoire, puis là, on va le broyer, puis ça broye, puis tout ça, justement, ben, tu fais juste subir ce qui se passe. Mais c'est voulu aussi. C'est voulu que ça se passe de même. Comprends-tu? Après ça, ben non, la crise va passer. OK, là, ça a passé. Mais là, l'événement se représente une couple de temps après, de plus ou moins de la même couleur. Mais vibratoirement, c'est le même type de crise. Fait que les forces, ils vont nous tester jusqu'à temps que ça devienne neutre. Comprends-tu? Donc, la Fait que. neutralité est l'objectif des forces, c'est-à-dire que la personne ne réagisse plus émotivement par rapport à l'événement. C'est ça, mais c'est pas qu'il faut pas réagir émotivement, c'est que on sait qu'est-ce qui se passe dans le processus. Tu sais, il y a pas de baguette magique là-dedans. La souffrance est là. Tu sais, comment je pourrais dire ça là? L'intelligence du mal a totalement sa place. C'est intelligent entre guillemets d'avoir mal, mais c'est parce que ça te permet d'aller voir. Il est où le point, là? Regarde, on va soulever la gale de ça, là. C'est quoi l'émotion? C'est quoi relié? Parce que l'émotion, c'est relié dans le passé tout le temps. Ou ben non, si c'est pas relié dans le passé, c'est la crainte du futur. Relié à l'émotion d'avant. Ah, je ne fais pas ça, mais je me suis fait mal. J'ai quelque chose, là. Il faut que je fasse quelque chose, là. Il faut que j'aille en entrevue. Mais la dernière entrevue que j'ai eue, ça a mal été. Ah, les gens, pour se protéger, pour contrôler ce qui va se passer, ils se réfèrent au pas. Désolée. Les gens, pour contrôler le futur, ils vont se référer au passé. Donc, ils se donnent une référence. Fait que ça va marcher de même, ça va marcher de même. Ah, c'est toi qui as décidé ça, hein, que ça va marcher de même. Attends. Attends que ça arrive, les choses, hein. Puis, tu sais, habituellement, c'est que on essaie de préparer le futur parce que on n'est pas certain d'avoir des réponses par rapport aux événements qui vont se passer. Tu Ouais, c'est sais, on ça, les essaie de gens, ils préparer des cherchent réponses. à contrôler puis ils simulent l'entrevue avant de se présenter avec des questions préparées à l'avance, mais ça ne veut pas dire que ça va être celles-là qui vont être posées dans la vraie entrevue. Ben non, il n'y en a pas une qui se passe de même. Là. En tout cas, si les gens, là, ils ont peur d'un futur, si ça marche, là, dites-moi les parce qu'on va l'essayer d'un gros, ben de l'autre bord. Les gens qui sont pris, c'est des anxiétés, là. C'est tellement des pensées rapides qui se passent, là, qui rentrent dans le blind spot, là. Ils sont incapables de le contrôler, là, ces choses-là, là. Fait que l'accélération au niveau de la réflexion est tellement rapide qu'il la voit plus. Tu sais, c'est dans un giron, là. Tu sais, c'est comme des roues de voiture, là. Quand, tu sais, il y a des barreaux, là, dans la roue de voiture, mais quand Oui. elle va vite, tu les vois plus. Donc, la pensée est pareille. À un moment donné, il y a une accélération au niveau de la réflexion, puis il n'y a plus rien qui se passe. Tout ce que tu as, là, c'est rien que la douleur émotionnelle. Mais il faut rentrer dans ce spin-là, là. Et pourquoi qu'il est là, ce spin-là, là? Parce que tout accélère présentement, là. Tout l'accélération du temps puis de tout ce qui se passe, là, tout est rapide maintenant, là. Ben Tu oui, comprends-tu? entre autres avec Internet, les bulletins de nouvelles en continu 24 heures sur 24. Donc, une libre circulation de plus en plus grande sur la Terre de l'information. Mais le temps d'énergie accélère. L'énergie accélère, puis les gens ne contiennent plus ça. On n'est plus capable de contenir la vitesse des événements qui arrivent, là. Ça arrive un par-dessus l'autre, puis un déclenche l'autre. Après ça, mais c'est comme une grappe de raisin, là. Tu sais, là, il y a le premier raisin qui est là, mais whoop, d'un coup, là, il y a une grappe qui arrive avec ça, là. Puis là, les gens, ils n'ont plus de réponse, ils ne savent plus quoi faire avec ça. Ils n'ont pas de réponse, ils sont en faillite dans la tête. Quand tu as plus de questions que de réponses, là, il y a vraiment une faillite là, quelque part là-dedans. Les gens sont démunis, se sentent impuissants. Et le rôle de l'astral et des interférences, c'est tout ça, là, c'est une belle game là, qui se passe là présentement. Là. Mais tout ça a son utilité. C'est utile, mais les gens ne veulent pas souffrir. C'est sûr, regarde, je n'irai pas marcher dans le feu, là, toi non plus, là. Mais Non. ils nous font marcher sur des chardons, là, ils vont par image. Mais il y a une raison pourquoi c'est là. T'sais? C'est ni pour spiritualiser que ça se passe. Ah, regarde, je souffre, on va souffrir en paix puis en grande joie. C'est la crise de marde, là. La spiritualité, puis tout ça, puis essayer d'aller chercher un paquet de solutions à l'extérieur, c'est en dedans qu'on l'a, la réponse. Oui, On l'a là, on les a, nos exactement. réponses. Mais en lien avec la souffrance, ce que je vois mentionner, c'est que de ma compréhension, c'est que les forces ne cherchent pas nécessairement à faire souffrir l'être humain. Ils cherchent à ce qui évolue, mais ce qui arrive, c'est qu'indirectement, ça occasionne de la souffrance. Ben oui, absolument. Mais tu sais, si les forces là, sont là pour nous aider, là, on est dans la merde, hein, à quelque part, là. Tu sais, aider, garde, tu sais, moi, je vais t'aider, ça fait du bien, là. C'est pas le même qui marche, eux autres, là. Non, non, ben ils cherchent à nous faire évoluer, ce qui n'est pas pareil. Oui, Parce qu'ils sont c'est pas ça, en, à ils cherchent, évoluer. c'est ça, ils cherchent pas à jouer aux anges puis à sauver l'humanité. Ils cherchent Non, à pas du tout. amener l'humanité à évoluer, puis c'est à travers, entre autres, des oppositions pour que l'ego s'ajuste, devienne plus transparent. Mais moi, la façon que je le comprends, c'est que la souffrance, c'est pas leur finalité, c'est l'évolution. Mais si l'évolution occasionne de la souffrance, ben c'est comme Doit passe par la C'est souffrance, ça, effectivement. exactement. Mais l'objectif, c'est pas des masochistes ou des sadiques, là. Ils cherchent pas à Non, occasionner non, de non, la non, non. souffrance pour de la souffrance, là. Mais c'est Non. malheureusement, ça fait partie du processus pour en venir à un ego transparent, qui est la finalité. Absolument. Ben oui, mais c'est comme le gars qui ou la personne qui va aller s'entraîner. Ça fait mal s'entraîner. Oui. Tu sais, c'est la meilleure image est là, mais on doit souffrir pour développer quelque chose, tu sais. Donc, puis la souffrance augmente la contenance quand c'est ramassé intelligemment là-dedans, là. Comprends-tu? La contenance, là, c'est comme le panneau électrique. Ah, on augmente le panneau. OK, go. Il y a quelque chose qui se passe, là. Tu sais, à un moment donné, le même événement va se reproduire. OK, je le vois. Ça se voit très bien. Il n'y a plus d'émotion là-dedans. Il y a une neutralité qui s'installe. Ils sont obligés, entre guillemets, c'est dans la souffrance que les choses se passent. Puis quand ça va bien, c'est intelligent. L'intelligence, ça va être compris, mais il y a toujours une phase à quelque part qu'on a de la misère. Puis là, ça casse la coquille. C'est nous autres qu'il faut sortir de la coquille. C'est pas l'extérieur qui va venir casser la coquille. C'est de l'intérieur. Pour ça prend une écoute, une réception. Mais ça peut être autant, comme je t'ai donné l'exemple tantôt de ton ami, puis lui a un problème. Mais bizarrement, c'est un problème qui s'est posé, tu sais, qu'est-ce que j'ai à comprendre quelque chose. Le lendemain, tu rencontres ton chum de travail, il te compte quelque chose. Là, tu sors la réponse, mais ça te répond en même temps que toi. Il n'y a pas rien de fixe, il n'y a pas rien de conditionné dans rien. C'est ça où l'ego panique. Il a l'impression qu'il n'a pas le contrôle. Lui, il veut tout avoir le contrôle de tout, là, t'sais. C'est ça Non, la souffrance exactement. reliée à la souffrance mémorielle, surtout. Des fois, on ne sait même pas qu'on a souffert à tel âge, à tel événement, là. On ne sait pas. Mais on réagit à quelque chose très fortement. Ouais, ben des Pourquoi? fois il y a des choses qui sont refoulées du passé, tu sais, en psychanalyse, ils en parlent beaucoup là, tu sais, des traumatismes dans l'enfance, entre autres survenus, que ce soit agression sexuelle, violence parentale. Souvent, les gens veulent pas voir ça à l'âge adulte parce que ça a été très pénible à vivre dans le Ben passé. non, mais là, c'est parce qu'ils l'ont gommé, gommé, gommé, gommé, gommé. Il y a à peu près 10 pieds d'épaisseur de couche là, pour pas y retoucher. Mais certains événements, comme Bernard disait, c'est comme des pleurs d'oignons. On épluche, puis là, ça va se rendre, ça va se rendre. T'sais? Peut-être pas dans celui-ci, peut-être pas, on ne sait pas. Mais les événements provoquent les gens équivaut à des événements, puis il y a toujours quelque chose qui est relié à des événements, à des gens. Tout le temps. Tout le temps. Que ce soit agréable dans le positif, négatif, dans les polarités, il y a toujours quelque chose qui se passe avec des gens. Comprends-tu? Puis ça se soulève. Mais aussi, tu sais, ils sentent bien là, les forces, là, qu'à un moment donné, le panneau, il peut sauter, là. Oh, il y a un répit. Il y a un répit. Il y a un répit. T'sais? Ouais, puis Mais là, dans présentement, oui, j'allais en venir, mais il y a quand même des gens que le panneau, la capacité d'absorption de contenance saute dans le sens que tu as des gens qui sont dans déchéance psychique avec des problèmes de santé mentale graves, puis là, ils vont virer suicidaires, ils vont vouloir tuer du monde, là. oui, mais encore là, ça fait partie des programmations rendues là, tu sais. On va en entendre parler. C'est pas qu'on va l'entendre, mais on entend parler de tout bas, de tout côté. Donc, tu sais, ça, c'est, en guillemets, inévitable, là. C'est du règlement karmique. Mais encore, désolé, c'est discutable. Et c'est à parler. Mais je les ai rendus dans des extrêmes comme ça. Regarde, c'est rendu là, là. La vie est parfaite, David. Comment ça se réfléchit, comment on la réfléchit, qui crée des résistances partout. Hein? On ne veut pas souffrir, on va résister à la souffrance. Ça fait juste amplifier en background, tout le temps, tout le temps. L'événement va revenir. Puis oui, c'est souffrant, mais écoute, aider quelqu'un, c'est complètement illusoire, mais échanger avec quelqu'un, c'est réel. Comprends-tu, hein? Moi, je ne suis pas là pour aider. Pour aider personne. C'est complètement spirituel. Mais par contre, si les gens veulent échanger puis regarder un problème, c'est pas moi qui aide, là. On sait, tu sais, il y a un échange qui se passe entre deux personnes qui veulent avoir des réponses. Puis c'est, tu sais, on n'est pas intelligent tout seul. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, puis toi, tu vas le voir autrement. Ah, regardons, David, j'ai pas vu de même. Comprends-tu, là? C'est, tu sais, il y a un échange qui se crée pour développer quelque chose autre. Sortir de la flaque d'eau. On est tous les deux dans la flaque, on en parlait. Hey, puis regarde, t'as-tu vu ça, t'as ça? Hey, regarde, ben non, et, hop, la flaque d'eau a diminué, là, tu sais. Fait que c'est vraiment dans l'échange que l'intelligence peut s'installer. Il y a une vibration qui s'installe, il y a une complicité qui s'installe. Puis ça parle, puis à un moment donné, il n'y a plus de réflexion. Et là, on commence à apprendre. Ça commence à apprendre de par la personne. Comprends-tu? Exactement, mais c'est C'est. sûr que pour en venir là, il y a un travail de dépollution de l'ego pour justement qui réussissent à se détacher de la réflexion, là. Ben oui, tu sais, mais encore là, c'est une forme, là, tu sais, dépollution de l'ego. On ne sait pas ce que c'est rendu, la dépollution de l'ego, là. C'est en parlant qu'on veut le savoir, hein, tu sais. Des fois, c'est juste une tâche, là, tu sais. Tu sais, je sais pas, moi, tu as une tâche, une lunette, là, à prendre tout le champ de ta lunette, là. Ben, c'est une petite tâche, on ne sait pas. Tu sais, ça dépend comment. Tu sais, oui, il y a plein de nettoyages, là, tu sais, puis on n'a pas fini nos vies, là. Il y en a plein de nettoyages. Mais dans la crise actuelle et présente, on a besoin d'une réponse, d'une solution. Allez, là, c'est juste qu'il faut la parler. On va parler d'une solution, puis on va regarder ce que ça va aller. T'sais? Donc, il y a une reconnaissance là-dedans, il y a une réception de part et d'autre. Et comment je te dirais ça, non? Tout se fait là, dans le présent. De toute façon, les forces vers quoi qui nous emmènent, hein, c'est nous ramener toujours dans le présent. C'est dans le présent, c'est neutralité, c'est le présent. OK? Mais en même temps, Le passé. c'est particulier parce que les forces veulent nous amener vers le présent. Mais en même temps, s'ils nous confrontent à des événements qui nous créent des oppositions, souvent ça occasionne de la souffrance, puis la personne veut fuir le présent à ce moment-là. Oui, ben oui, mais c'est ça le but, c'est ça. Mais à un moment donné, t'es écœuré, bon, OK, garde, go, on en parle. Ça fait mal, parfait, garde, c'est ça. Le ça, il est là, là. Enfin, fait que, si on veut pas souffrir, on veut fuir, on veut l'enterrer, on va l'enterrer, tu l'enterres, ça repousse, ça, là. Enfin, fait que, mais à un moment donné, il y a un mur. OK, là, on va parler des vraies affaires. OK? That's it. Je peux pas te dire comment ça va aller, ça va. Regarde, on va parler. On va échanger. Si le but est là. Exactement. Puis toi, dans les consultations, est-ce que tu vas accompagner les gens pour les amener à canaliser? Écoute, si ça doit se rendre là, oui. Si ça. Aucune idée. Aucune idée. Ça se passe, ça va se passer. Oui. Mais si les gens ont le désir de canaliser, ça ne marchera pas, là. Ça, c'est un désir. Ah, tout le monde canalise, là. Bernard canalisé, puis ça, là. S'il y a un désir de canaliser, ça ne rentre pas, là, ça part là. C'est une simulation de quelque chose, là. Mais ça se canalise, ça se désire pas de canaliser. Non, c'est sûr que ça prend une volonté réelle de manifester une vibration dans la parole, là. Ça descend, c'est pas nous autres qui le veulent. Oui, mais Ça se il y a un passe. mouvement de l'ego vers les forces aussi qui existe. C'est pas juste des forces vers l'ego. Tu sais, à quelque part, David, là, que ce soit l'ego, de l'âme, puis tout ça, la marde, là, ça reste de la marde, hein? Oui. OK, là, que ça passe par où? Par l'ego, par l'âme, là, à quelque part, là, regarde, ça fait mal. Ça se ramasse tous sur le même point, là. Que ça passe par l'ego, quelque chose, là. À un moment donné, OK, regarde, je vais te parler. Ça, c'est mon ego. OK, ça, c'est l'âme. OK. Hey, ça finit plus, là. Ça, c'est tout rationalisé au complet, là. Ça se place, that's it. Ça part, ça se place. T'sais? Mais par contre, c'est juste de savoir d'où est la source de la pensée. C'est quoi? C'est quoi la pensée? C'est quoi qui se passe dans la tête? Comprends-tu? Ouais, Ben, que ce ben. soit de l'ego ou de l'âme, hein, tu sais, je veux dire, à quelque part, là, on commence à faire une liste d'esprit, là. OK, là, on va parler de l'ego, on va parler de l'âme, on va parler de l'esprit, on va parler de la réflexion, on va parler. Hey, là, c'est une merde, là. Regarde. Il n'y a rien de conditionné, David. Non, mais je comprends, Il n'y a mais rien. si on amène un sujet comme ça, puis on demande à la personne de laisser émerger pour justement qu'il y ait une information non conditionnée qui se dégage de la parole de la personne. Oui, mais écoute, une personne qui va appeler, là, c'est parce qu'à quelque part, elle va avoir une réponse. Peu importe que ça vienne d'où, là. T'sais, tout suit à quelque part, là. C'est un tout, hein. On est un tout, tout est énergie. Le corps, c'est une représentation densifiée de l'énergie. Fait qu'à quelque part, quand on parle, tu sais, quand tu parles, toi, tu te demandes si ça vient de l'ego. Non, mais des fois j'observe que, ah, il y a comme une vibration qui devient plus basse ou des fois c'est un peu coloré. Ah, moi, ouais, c'est coloré. Mais ça vient de l'ego, ça vient de l'âme, à quelque part. On sait qu'il y a de quoi qui se passe au niveau vibratoire. On n'est pas obligé de mettre des noms là-dessus, là. Parce qu'à un moment donné, c'est comme je te dis, on rationalise tout. On veut tout rationaliser, là. L'ego est bien content, là, il fait du pouvoir avec. Alors, moi, je connais ça, là. Ouais. Mais à quelque part, là, c'est juste en parlant. C'est pas. Tu sais, comment je dirais ça, non? Tu sais, on n'a pas la fusion de Bernard, puis on n'a pas ça. Mais dans une conversation, ça peut. Tout se passe là, puis il y a de quoi? Il y a un ajustement vibratoire. Quand on arrive sur un point X à quelque part, il y a un ajustement vibratoire. Puis à un moment donné, ça se passe tout seul en dedans de nous autres, là. Comme ce matin, là, j'en ai eu une réponse, là. C'est hallucinant, là. Ça tremble en tête, c'est comme une bulle, là. C'est zéro émotion, zéro mémoire, zéro futur. Ça se passe direct là, là. Puis là, je demande, ça fait quoi, ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? On change son taux vibratoire là-dessus. Mais là, en dedans, là, ça panique, là. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? On change son taux vibratoire d'attitude. Nous autres, on veut tout savoir, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Eux autres, ils savent qu'est-ce qu'on a à savoir. Oui, Comprends-tu, là? mais en même temps, l'être humain qui intègre l'esprit a le droit de savoir puis de contester la retenue d'informations de l'invisible. Oui, mais il n'est peut-être pas prêt à le recevoir non plus. Oui, c'est sûr qu'il Il n'y n'est a pas peut-être pas en nécessairement, état. c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas la capacité de contenance pour tout, comme le moment de sa mort ou des choses plus hard. Mais tu sais, si, mettons, quelqu'un il a un rhume, puis il veut savoir de l'esprit, c'est quoi pourquoi que ce rhume-là, c'est quoi la fonction que ça a dans sa vie, puis l'information est OK. bloquée, puis Oui. il peut monter en vibration, puis là, ça peut lui dire, ah, ben c'est parce qu'on voulait que tu te reposes puis que tu ralentisses. OK, je te reviens là-dessus. Il peut monter en vibration. Qu'est-ce qui fait monter une vibration? Ben, c'est la capacité de se mettre en opposition, donc la personne qui a un sentiment de ras-le-bol, qui est en colère. Une colère, oui, c'est intéressant. Vibratoire. Mais encore là, ça se commande pas dans un claquement de doigts, là. Tu sais, la réflexion, là, c'est être enragé après une pensée, là, ça marche pas de même, là. C'est un état vibratoire qui élimine des pensées. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que en l'observant avec toi, c'est qu'en réalité, si la personne qui est mise en vibration indirectement par les forces pour monter en contestation contre eux autres puis aller chercher l'information. Mais à quelque part, c'est ça, il y a une colère qui puis une colère, là, c'est très calme en passant, hein. C'est pas hurler. Oui, regarde, je suis rentrée dans mon auto, c'est incapable de parler sur tous les cris, les hauts hurlements qu'elle a pu recevoir, là, à faute. OK? Mais à quelque part, une colère, là, c'est très calme, c'est très vibratoire. Mais c'est parce que pour être rendu là, il y a une centricité qui arrive, puis OK, regarde, qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Il y a un taux vibratoire qui passe là-dedans, là, quelque part. C'est centré, là. T'es pas dans une polarité de haute joie ou de basse dépression, là. Regarde, OK, là, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Okay. Mais, encore là, une réflexion, pour avoir vécu, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? C'est émotionnel, ça fait mal, ça rentre dans le corps, là, puis t'es capable de respirer, là, puis c'est pas une journée, là, ça dure depuis un mois, 3 semaines, là, tu sais. Puis là, OK, là, t'auras beau chercher des réponses à parler, ça jamme dans le tuyau, là, ça jamme, ça jamme. Puis à un moment donné, là, il y a une cosque. C'est drôle, c'est comme un bouton. Et bouton juste avant qu'il pète, c'est là qu'il fait le plus mal. Je sais pas, ben, on a tous eu des petits boutons là, physiques, là, puis Ouais. juste avant que ça pète, ou un abcès dedans, là, quand, juste avant que ça émerge, là, la douleur est à son max, à un moment donné, pouf, il n'y a plus rien. C'est un peu comme ça que ça se passe au niveau de l'énergie, là. Il y a un crescendo, là, émotionnel. Puis là, il y a quelque chose, là, on veut fuir, mais là, on est capable de fuir, là. Là, on est rendu, là, dans le sablier, là. On est rendu dans le passage du sable à un grain, là. Là, on rentre là-dedans, là. Là, OK. Là, je suis capable, là. Qu'est-ce que j'ai à comprendre, là? On essaie de fuir de partout, partout, partout, là. Non. Il va nous passer dans le trou de la souris, là. Même si t'es à 300 livres, là, je te jure, ça rentre bien comme il faut là-dedans, là, tu sais. Mais rendu là, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a à comprendre. Mais juste être en mesure de poser cette question-là, il y a déjà un travail qui a été fait. OK? Ben oui. Parce que comme tu disais tantôt, on veut pas voir mal, on a d'autres occupations, on l'enterre, mais ça devient un magma à quelque part, là. Ben, il y a Hein? un adage qui dit à ce qu'on résiste, persiste. Ben, voilà. Oui. Mais encore là, il y a beaucoup d'adages qui étaient créés de. Il y a tellement d'adages, là, puis là, on se réfugie là-dedans. Ah, c'est vrai, tu sais, sur Internet, genre, on pose des affaires de même, là. Des idées passées par un autre, là. Ah, OK, c'est correct, là, c'est un petit peu à ceux qui passent, là. Au moins, popé, popé, tu sais. Oui, mais c'est pas toujours sa vibration ou adaptée au contexte. C'est sûr qu'en effet, la Non. vibration du moment, c'est plus ajusté, là. Ah, Ouais. c'est ça, en plein ça, là. Écoute, tu sais, juste dans notre entrevue, là, on ne savait même pas de quoi on allait parler. Puis, regarde, il y a quand même une matière qui se dégage de là, là. Tu sais, ça se passe là. Ça me fait toujours penser à Indiana Jones, à un moment donné, il devait passer, tu sais, un cratère, puis il fallait qu'il fasse confiance à chaque pas qu'il faisait dans le vide, il y avait une roche qui apparaissait ou un bout de bois, là, tu sais. C'est à peu Oui. près de même, ça fonctionne. Avec les forces, puis quand on parle, tu sais, on sait même pas de quoi je te parle, je sais même pas de quoi je parle, hein, je sais même pas que je vais te dire, t'sais. Toi aussi, je suis de ton côté, là. T'sais, on vaille, on vole tous les deux, là, comme deux truites, là, tu sais, ça se fait là, ça se crée là. La création, ça vient pas de noir d'un futur, c'est drette là. Oui, mais c'est de l'improvisation. Total, tu sais, de l'improvisation, c'est, tu sais, puis toi, surtout, avec tes invités, toi, tu dois compenser souvent pour les vides, ça, c'est plate, les vides dans notre vie, là, on va dire quoi? Ça a l'air fou, là, plus que d'autres choses. Puis, t'as toujours la réplique pour supporter le mouvement, tu sais, c'est extraordinaire. Oui, exactement. Mais c'est sûr que je vise à accompagner les gens dans leur développement, puis les dynamiser à travers les échanges que j'ai avec eux autres. Puis c'est sûr, j'aime ça aussi que de bénéficier de leur intelligence ou de leur dynamisation. Mais ça, c'est un autre aspect intéressant, c'est-à-dire qu'à travers la parole, ça peut être un bel outil pour véhiculer une vibration qui dynamise. Ben c'est dans la parole. Parfait, de la parole, c'est des petits camions qui transportent une vibration. C'est en arrière de la parole, il y a une vibration qui est là. Puis nous, on la traduit en mots. Ouais. Mais c'est toujours la vibration qui est importante, là. Mais les gens vont s'arrêter sur des mots qui leur ramènent une mémoire, puis là, ils vivent quelque chose. Là, il y a des conflits. Là, c'est des conflits de personnalité qui vont avoir raison, c'est tout ça. Mais c'est à dans mesure qu'on est capable de lire la vibration qui a l'air des mots, qui passe pas par l'intellect, en passant, c'est là que la game, elle est, là. Tu sais, c'est pas de choisir des mots, c'est les mots sortent seuls. Anyway, ça sort comme ça. Bon. Mais c'est toujours la vibration qui pousse les mots en arrière. T'sais, mais c'est ça peut être beurré d'un paquet d'affaires, ben, émotionnellement, un paquet de mémoire, la personne va commencer à pleurer. Ah, OK, il y a quelque chose qui se passe là. Puis c'est les mots, c'est la terminaison vibratoire. C'est pour cibler des choses, c'est, mais à force de parler, puis d'arrêter de réfléchir en parlant, d'avoir une personne qui nous reçoit, mais non pas qui nous écoute pour dire quelque chose. Le trois quarts du temps, il y a bien du monde, là. Tu vas parler, ah ouais, regarde, tu sais, ça ralent, ouais, ben moi aussi, moi, je vais te dire quelque chose, là. Ça fait longtemps qu'il y a une réponse. Tu parles avec eux autres, ça fait longtemps qu'ils veulent dire quelque chose. Il n'y a pas d'écoute, là. Ça gêne dans le barrage, là, tu sais. Anyway. Oui, ben je comprends ce que tu veux dire. Les gens cherchent à utiliser entre autres la parole pour se mettre en valeur. Fait qu'ils n'écoutent pas ce que l'autre dit, ils essaient de trouver quelque chose d'intelligent pour mieux paraître que l'autre. Ben absolument. Regarde, hein, t'sais, regarde, écoute ce que je dis, c'est brillant, regarde. C'est la merde. Oh oui, ben on regarde ça En tout cas. dans les débats des chefs là, au Québec quand il y a des élections, Oh là, mon Dieu. quand ils parlent entre eux, ils ont toutes leurs cassettes qu'ils répètent, puis là, ils sont posés des questions, puis là, ils contournent, ils répondent pas, puis là, ils reposent des questions, puis les autres répondent pas, fait que c'est un dialogue de sourds. Non, mais c'est un combat verbal animal, tu sais. C'est tout structuré, c'est un blender de chamaillis verbal total, là. Il n'y a rien d'intelligent qui sort de là, c'est juste une guerre d'ego collective. Les débats, j'ai tenté de regarder ça, finalement, ben, à quelque part, on va le savoir dans les journaux, là, puis même à ça. Non. T'sais, mais les gens, ça aime ça, c'est les jeux de cirque. Il y a l'émission La Voix, Oui, il y a le débat des chefs. T'sais. ben c'est spectaculaire, mais c'est sûr que c'est désolant de voir que des gens qui vont diriger un peuple sont même pas capables de s'écouter mutuellement réellement. Non, mais encore là, tout a une fonction, David. Tout est bien dirigé par les forces, là, tu sais. Puis les gens, le trois quarts des gens, eux, ils vont écouter ce débat-là, puis ils écoutent ça comme un match de hockey, là, tu sais. Ça fait partie, ça l'anime leur ego. Moi, j'ai eu raison sur tel candidat. Là, ils sont tous fiers. L'autre, ils se. Tu sais, c'est comme. Je sais pas, là, c'est hallucinant comment ça se passe, mais toute une fonction. C'est comme les religions, c'est un mal nécessaire. T'sais. La spiritualité est un autre mal nécessaire. Tout est nécessaire à quelque part. Il n'y a rien d'inutile. Ah ben Ça justement, fait mal. j'étais curieux de Quoi? t'entendre spontanément comme ça. C'est quoi la fonction de Donald Trump, le président actuel des États-Unis? Lui, il défait toutes les formes qui étaient utilisé par par la mémoire des présidents américains. Lui, là, il fonctionne aucunement selon l'économie qui se passe présentement. Il a sa fonction d'être ce président-là. Il est en train d'écrouler tout ce qui a été fait dans le passé. Puis lui, il a été élu par le peuple, là, parce qu'il a utilisé d'autres choses, hein, tu sais. Mais il est placé là pour une fonction. Il va déclencher énormément de choses. Puis ce qu'on entend par la télé, c'est ce qu'ils veulent qu'on voit de lui. En passant, là, ça, c'est le contrôle de l'information totale. T'sais, lui, là, à un moment donné, lui a gagné ses élections avec Facebook puis Instagram. T'sais, à un moment donné, Facebook, Instagram, puis tout ça, ils l'ont ramassé. Mais c'est comme ça, lui a eu ces élections. Il n'y a jamais personne qui l'a vu. Fait que lui, il prend des routes, là, tu sais, c'est comme. Lui, là, c'est sa game à lui, c'est sa business à lui, les États-Unis. Fonctionnellement, pourquoi il changerait? Sauf qu'il a été élu. Mais il y a une fonction dans les États-Unis. Je ne veux pas faire de prédiction. Mais c'est des games d'ego encore. C'est un homme excessivement égoïque, là, tu sais. I am the king and I will stay. I am the king of the world, là. C'est dans Titanic, je pense, que ça disait ça, là. Il est bien placé pour ça, lui. Ben, à quelque part. Mais sa fonction, il est en train de détruire tout ce qui est mémoriel là-dedans, là, la façon de fonctionner. Ça capote l'autre bord, c'est sûr. Voyons donc. Ben, en tout cas, il a désacralisé le rôle de président des États-Unis parce qu'habituellement, on mettait ces gens-là qui dirigent le pays sur un piédestal, on s'attendait qu'il y ait un beau parler, qu'il soit dans Ah, ben. l'avidité, puis une belle prestance, une attitude irréprochable. Ben oui, mais regarde, on l'a eu avec. Regarde, on a eu Obama. Oui. Trump, c'est la pointée totale. Ce qui est excellent en soi, c'est bien fait. Comment qu'il dit ça? C'est une belle, belle petite bête pour ça, là. Comment qu'il dit? Il brise les polarités. Il fait exactement la polarité. Le monde aime être impressionné. T'sais. Le monde aime être pris en charge par des grands de ce monde. Mais t'es voix grand, c'est toi là-dedans. Voyons donc. Fait que Trump, il rabaisse. Il casse toutes les structures. Lui, c'est un éléphant qui rentre dans une verrive, là, puis il joue à la balle à terre à manche là-dedans. T'sais. Mais si on le regarde au niveau de sa fonction, il est en train de détruire, de casser tout le bien paraître des États-Unis, là. Puis en plus, ben nous autres, on suit ça par les médias qui contrôlent, ils endoctrinent une façon de penser. Et puis en arrière des médias, là, il a l'establishment en arrière qui est en train de dire, lui, là, on va le laisser. Fait que, tu sais, puis les gens, ils n'ont pas l'esprit critique. Là, on regarde TVA Nouvelle, là. Si je l'ai, lui, là, Trump, regarde les dons, ce qu'il fait. C'est vraiment, là, c'est du tout monté. C'est du contrôle total, David, là, je te jure, là. Pour avoir été attaché de presse aux dernières élections, puis là, hallucinant. Comment l'information est contrôlée. Incroyable. Non, ben c'est sûr. C'est sûr que si, mettons, il fait un discours qui dure 2 heures, puis il garde un clip qui dure à peu près 20 secondes, c'est sûr que s'il l'aime ou il l'aime pas, ils vont choisir expressément les 20 secondes pour le mettre en valeur ou non. Absolument. Et ben, puis c'est l'establishment, là, tu sais, ils sont capables de tout faire, là, puis ils vont présenter, puis c'est voulu de même, là. Mais tu regardes ça, là, puis tu regardes dans la tête, là, c'est même, puis ça marche pareil. Dans la tête, là. Ça veut te faire croire des affaires dans la tête. La télévision veut te faire croire quelque chose. Comprends-tu? Il y a un parallèle à faire là-dedans, là. T'sais. Comment ça marche dans notre tête, puis comment ça marche avec la télé, là, c'est pas loin, hein? Ça te fait penser de même. Il y a une prise en charge de la télé. Ils veulent qu'on. Il y a une prise en charge de la décision. Ils nous font penser de même. Le matin au déjeuner, là, quand Trump il a pris une décision, hey, moi, là, j'avais-tu raison? Regarde-lui le trou de cul, comment il marche, puis tout ça, là. Tu sais, ça la baisse. Tout ce qui est impression, lui, il impressionne de l'autre bord, là, parce que tout le monde en parle pareil. Mais comme je te dis, Trump détruit tout l'aspect. Reluisant de qu'est-ce qui s'est passé au niveau des États-Unis. On a toujours aimé avoir un poster de. C'est le fun d'avoir un. Tu sais, il n'aurait plus de modèle, David. Il est en train de faire ce job-là, lui-là. Ouais, Tu ben sais, quoi que ça peut être tordu, parce que comme le cinéma américain, t'as le héros puis t'as l'anti-héros aussi qui est apparu à l'écran. C'est-à-dire la personne qui fait le contraire, puis là, les gens se mettent à admirer ça. ben oui, mais c'est encore la vérité. Oui, c'est vrai. C'est toujours des polarités, ça, David. Puis, tu sais, on va passer par toutes les polarités à un moment donné, jusqu'à temps que ça vire fou. Mais à un moment donné, il y a une autre réalité qui va. Quand les deux extrêmes là, sont en feu, là, là où tu peux te ramasser, c'est au milieu. Comprends-tu? Puis, ce n'est que des polarités. La réflexion est polarisée de bord puis de l'autre. Puis l'émotion, c'est quoi de l'émotion? C'est quoi qui fait mal dans l'émotion? Tu sais, c'est quoi? Tu sais, moi, ben oui, pourquoi ça fait mal de même? C'est quoi la substance de l'émotion? Ben, c'est une énergie en mouvement e-motion, pour employer l'expression anglaise. Ouais. C'est-à-dire, Qu'est-ce que tu veux dire par emotion? ben, quand on prend le Ah, mot, OK. ouais, quand on Mais décompose le ça. mot émotion, là, c'est emotion, quelque chose qui est en action, en travail. Oui. Oui, mais ça soulève quoi? Pourquoi ça fait mal? Il y a des pensées qui sont le fun, puis Ah, ben pourquoi c'est le parce que négatif fait l'ego mal? résiste puis il n'est pas transparent, il laisse pas circuler, c'est ça l'affaire. En résistance de. Tu sais, quand ça va bien, tu vas-tu mettre un break là-dessus, toi? Mais Non. non, c'est ça. Ah, regarde donc. Ben, on va mettre le break quand ça fait mal, mais pas quand ça va bien. Ouais. Quand ça va bien, c'est ah, ça va bien. Mais une chance qu'il y a des bouts qui vont bien. Ben, ça donne une pause, hein, tu sais, entre deux Ah étaux d'intégration d'énergie. À un moment donné, ça prend une pause parce que tu es tout le temps poussé par de l'énergie, puis tu ne te reposes pas, tu n'as pas le temps de te régénérer, te refaire pour éventuellement une structure énergétique plus forte pour encaisser davantage d'énergie. ben c'est ça, c'est comme un bol, là. On grossit le bol, puis on peut mettre plus d'eau dedans, whatever, tu sais. Mais c'est parce que à quelque part, puis là-dedans, autant David, puis toi aussi, là, on Oui. est toujours victime à quelque part d'une douleur, tu sais, mais à quelque part, tu sais, on va chialer, on va critiquer, on va gueuler, puis tout ça, mais ça arrange-tu quelque chose, non? Ça fait juste solidifier l'événement de titre, là. Puis là, ça grossit l'événement, ça grossit, puis là, finalement, je serais jamais capable de répondre. Oui. Mais c'est pas encore là, il n'y a pas de recette, mais c'est dans l'échange qu'il y a quelque chose qui dénoue le nœud. Tu sais, en électricité, si tu fais un gros nœud dans le fil, là, tu penses que ça va passer? Non. Il y a un nœud quelque part, là. Il est là, le nœud, là. Ah, tu sais, ah, regarde, c'est le fun. On va aller voir dans le nœud. T'as bien temps? On va aller voir. Puis là, le courant va passer, là. Même pas le fil électrique, là. J'ai dans la tête une hose. Tu sais, quand t'arroses sur le jardin, puis il y a un Oui. pli, là-dedans. C'est absolument, c'est la représentation est au niveau de l'image, elle est vraiment là, là, tu sais. Donc, c'est d'aller voir vers le nœud. Tu sais, on détient, tu sais, c'est comme je te dis, c'est complètement illusoire d'aider les gens, mais tu sais, dans l'échange, il y a quelque chose qui se passe. Comprends-tu? Oui, ben c'est sûr que dans le sens que, parce qu'on peut jouer sur les termes, là, dans le sens que quand tu échanges avec quelqu'un, puis tu le mets en vibration, ben ça peut favoriser la résolution de problèmes. Dans le sens, ça peut l'aider dans un sens, mais je comprends que tu l'aides pas spirituellement. Ça, c'est clair, là, pour moi, là. Oui, c'est ça. Écoute, souvent, tu sais, on allait voir Daniel. Personnellement, j'allais voir Daniel. Puis, juste déjà, ou ben non, on l'appelait, mais juste en l'appelant, il n'y avait plus de problème, tu sais. Et j'ai déjà vu Daniel, j'ai déjà. C'est vibratoire, tout ça, là. À un moment donné, j'ai dit à Daniel, j'ai dit, OK, je vais raccrocher, puis je me souviens plus pourquoi je t'avais appelé, tu sais. Parce que aussitôt que. Je vais appeler Daniel pour tel problème, je me souviens plus quand il dit allô, tu sais. Fait que c'est la réflexion arrêtée, c'est que c'est la réflexion qui crée une bulle, qui crée une prison de cette façon de penser là, tu sais. Mais c'est la vibration qui défait des nœuds. C'est comme je sais pas comment dire. Mais attends une minute, je pense que moi ce que j'ai capté, c'est que c'est la réflexion qui crée la forme du problème. Absolument, tu Donc, sais, puis c'est beurré ouais. d'émotions là-dedans, fait que c'est un mur d'émotions, il faut le traverser, ça se traverse, ça, là. Puis même, des fois, on a une solution, mais la solution, parfois, est pas applicable dans le moment, c'est qu'il faut que ça se dilue. On vient d'éclater le mur. C'est pas clair encore, la solution, mais c'est pas applicable non plus, mais, OK, là, on y... Daniel, des fois, et il nous expliquait des affaires. Tu étais tellement pogné dans la merde, là. Tu sentais juste la merde encore. Ah, puis à un moment donné, ah, OK, moi, ouais, c'est vrai, Daniel avait parlé de ça, tu sais. Mais des fois, tu sais, quand il y a de la lumière, on est aveuglé aussi par la lumière, tu sais. Si on prend encore une représentation au niveau de l'image, tu es dans l'enfer. Puis tu sors dehors, puis là, il y a la lumière, tu es aveuglé, tu pourras pas de la prendre. Oh, peut-être un petit peu, les yeux vont, tu sais, les yeux s'adaptent tranquillement à la lumière, mais les solutions, la vibration est pareille. Des fois, tu es tellement en crise, là, tu es complètement éclaté. OK. Tu sais, ça va pénétrer, ça pénètre tranquillement, là, tu sais, c'est chacun, c'est individuel, il n'y a pas de recette. Comprends-tu? Il y en a pas. Ça marche pour toi, ça marche pas pour moi. Ça va pas. Tu sais, Bernard, à un moment donné, il a dit à quelqu'un qui faisait de la goutte, prends du sang. Il dit ça, je l'ai dit pour lui, c'est pas pour vous autres, là, tu sais. Excuse-moi, ça a Fait que c'est coupé. vraiment. C'est quoi qu'il a dit? Il y a quelqu'un qui avait de la goutte. Oui. Il avait dit, ben, prends du jus de betterave. OK. Je me souviens plus c'est qui, là. Mais là, il avait dit, pour lui, ça marche. Ça veut pas dire que ça va marcher pour vous autres, là. T'sais, fait que c'est vraiment individuel. Mais nous autres, de la façon mémorialement, regardez la médecine, comment elle fonctionne. C'est sur des statistiques, puis sur des bases de 10 000 personnes, tel antibiotique va fonctionner sur tel spectre-là. Mais ça, il y en a, ça marchera pas. C'est du collectif qu'on va. Tu sais, il n'y a pas d'individu, c'est du collectif, ça marche de même. Mais au niveau de l'énergie, c'est complètement duel. Non, Tu sais, ça exactement. marche pour quelqu'un. Ouais, c'est ça, je comprends Hein? un peu le principe. C'est un peu comme l'alimentation. Pour certaines, ça marche très bien, le végétarisme, tandis que d'autres, c'est pas nécessairement le cas. Ben, c'est ça. T'sais, à un moment donné, là, c'est que tu apprends à lire qu'est-ce qui se passe. T'sais. Ben moi, t'sais, au niveau de l'alimentation, j'ai tout passé là-dedans. Puis le cru d'hiver, c'était en verre et condos au niveau de la vitine. Ça a fonctionné. Mais si j'aurais donné ma décision dans la tête d'un autre pour mes réponses. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui serait passé, mais c'est parce que la plupart du temps, c'est qu'on remet la décision dans la d'un autre. Tu Ouais, si la personne sais, n'assume pas son autorité. c'est ça, non, tu sais, elle a peur, mais elle se souvient, elle, que moi, j'ai déjà pris une décision, j'ai raté, ben là, je vais le donner à un autre, comme ça, j'ai pas à décider, tu sais. C'est à un moment donné, c'est que. Puis là, les événements vont amplifier énormément, puis on sera plus capable de remettre la décision dans la tête d'un autre. La vie nous ramène à nous autres, tant, vers l'individu. On n'a pas le choix, Exactement. non. Surtout que si la personne met sa vie entre les mains d'une autre personne, bien, elle peut subir des abus, que ce soit un maître ou un gourou de secte, là, entre autres, là. N'importe quoi, tu sais, là-dedans. Mais si, encore là, si la personne doit passer par là pour apprendre quelque chose, elle va passer par là. J'ai connu personnellement quelqu'un du cycle de Thériault. Il était un consultant Daniel, tu sais. Lui, il en avait vécu des choses, puis il s'était présenté là pour arrêter de fumer, tu sais. Il a joint la secte de Moïse. Mais tu regardes le cheminement de vie, comment ça s'est fait, les décisions qui ont été prises, t'sais. Puis c'est extraordinaire, t'sais. Comment ça se passe, t'sais. Extraordinaire en guillemets, là, mais comment les gens prennent les décisions, ça fait partie de leur programmation astrologique, à un moment donné. Mais quand tu es capable de lire les événements, la programmation astrologique est moins, il y a moins d'impact. On y va pareil, là. On ne peut pas s'en sauver, hein. Tu sais, là, la programmation astrologique, c'est comme un auto. Toi, tu conduis l'auto. Oui. L'auto, c'est la programmation astrologique. Comprends-tu? Fait que, dans l'auto, on est capable d'éviter des nids de poules, par exemple. Surtout que les routes du Québec, ça a l'air de Beyrouth, là, dans les Oui, ben au printemps, là, avec le gel puis le dégel, c'est affreux, là, c'est sûr, là. Mais étant donné que le temps file, Nathalie, j'aimerais à présent compléter, pardon, cet entretien avec toi. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour finaliser l'enregistrement? Écoute, c'est une offre qui est lancée comme ça, initialisée par toi d'ailleurs, David, que je trouvais très, très, très intéressante. C'est des consultations privées entre une personne à une personne que j'offre. Je sais que cela dégage énormément de. Dégage énormément de enlève des tensions, puis tout ça. Écoute, on ne promet rien. comment ça va se passer. Ça va être individuel. Il y a une façon de faire les choses. La génération, elle sera, je dirais, pour l'écoute, pour être très présente. Il y a ça chez moi. J'ai un parcours de vie haute, pas haute, toute. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à quelque part, mais écoute, tu sais, il y en a qui sont des peintres, il y en a qui sont des cuisiniers extraordinaires, puis il y a des talents, puis tout ça, puis il y a des choses qui se développent dans tout ça. Mais au niveau de l'écoute, par expérience, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour me demander, Nathalie, comment tu vois ça, puis tout ça. Puis à quelque part, j'offre le service, j'offre cette option-là. Elle est disponible, tu vas l'annoncer, puis tout ça. C'est très ouvert, c'est très ouvert à discuter, à parler, à échanger, surtout. Encore là, c'est illusoire d'aider les gens. Par contre, à échanger, il y a quelque chose à faire avec ça. Exactement. Au niveau des gens. S'il y a un besoin qui se présente, puis tout ça, il y a une crise, je sais pas, des fois, on ne sait pas à qui appeler. On va dans les groupes, puis là, tu reçois 10 000 réponses, c'est tout mélangé. La soupe, c'est tout mélangé, tout ça. En tout cas, j'offre. Il y a un service personnalisé qui est offert ici. Oui, donc c'est sûr que c'est très intéressant. Et puis, les gens qui seront intéressés, donc, à entrer en contact avec toi, comme mentionné précédemment, début d'enregistrement, tes coordonnées vont figurer, là, en bas de l'espace, là, de l'enregistrement présent que vous écoutez, ainsi que le tarif, là, pour les consultations. Effectivement, oui. Donc, écoute, je te remercie pour le temps, donc, de consacrer à cet enregistrement qui nous a permis d'aborder plusieurs sujets en rafale. Merci beaucoup, David, de ta présence. Est importante à souligner. Le mouvement que tu crées est important à être souligné également. Tu es une présence qui est toujours là et c'est très bien reçu. Bon, ben ça fait plaisir. Puis moi, je te remercie de ta présence. Puis. Parce que pour parler comme qu'on le fait, il faut qu'on soit présent de part et d'autre, là. Absolument. Parce que sans ça, mais ça ne s'accoulera pas la conversation, là, c'est sûr. Mais non. Donc, bien. Donc écoute, en terminant, donc, je te souhaite un bon succès pour les consultations auprès du public. Et je te remercie encore, David. On va remercier ton canal. Ouais. On remercie ton canal de cette invitation-là. Ben, ça fait plaisir. Puis écoute, on garde contact. Puis à bientôt. Merci, David. Bonne soirée. Bonne soirée.